toutes et tous et bienvenue dans le MAC sur Radioactive, l'émission qui met chaque jour en lumière des événements qui font l'actualité de votre territoire. Aujourd'hui, direction Noisey, où le comité de jumelage avec Volsor, commune située dans la province de Namur en Belgique, propose de vous lancer un défi orthographique en vous inscrivant à un concours de dictée. Nous avons rencontré Philippe, membre de ce comité, qui nous explique tout du déroulement de cette soirée ouverte à tous les amoureux de la langue française. Je suis Philippe, je fais partie du comité de jumelage de Noisey-Volsor, un petit village en Wallonie. Voilà. D'accord, très bien. Alors, il y a une actualité en ce moment qui aura lieu le samedi 26 octobre. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Eh bien, on organise notre premier concours de dictées, les dictées des vallées. La vallée de la Loire et la vallée de la Meuse pour nos amis belges. Alors, le principe, expliquez-nous comment ça va se passer. Bien, on organise donc une dictée. Il y a une catégorie junior, une catégorie adulte. À la fin des dictées, les gens permutent, échangent leurs copies. On corrige tout ça ensemble, on fait une petite pause. Ensuite, il y a une deuxième phase où on va donner un texte avec des fautes. Il faut trouver les fautes. Pareil, correction. Et puis la dernière phase, c'est la finale pour départager les ex-échos éventuels où là, on va leur sortir des mots très compliqués, des conjugaisons et ainsi de suite. Voilà, une soirée autour de l'amour de la langue française sans grande prétention, mais histoire de se rassembler et puis d'aimer la langue française. Voilà. Donc le samedi 26 octobre à la salle Val-de-Loire, c'est à 18h30 dans la commune de Noisey. Comment on fait pour réserver, Philippe ? Eh bien, c'est soit par téléphone, ça c'est le président, et puis par mail, c'est le secrétaire de l'association. Donc le téléphone 07 49 06 52 67 ou alors un mail qui est henripierredion@gmail.com. Mais on vous redonnera toutes ces coordonnées sur la page Facebook de Radioactive. On précise qu'il y a une petite participation de 2 euros pour les adultes, 1 euro pour les juniors et puis surtout, et aussi, buvette et restauration sur place. Oui, la buvette, ça sera du vin chaud et puis des soupes, des gâteaux, sandwichs et boissons soft et compagnie. Très bien, et bien merci Philippe. Merci, au revoir. Voilà pour les amateurs d'orthographe et de grammaire, mais si votre truc c'est plutôt la marche, notez que le lendemain, dimanche 27 octobre, toujours à Noisey, aura lieu la rando rose, s'inscrivant bien entendu dans le cadre de l'opération nationale Octobre Rose, une animation proposée par l'association sportive et culturelle de Noisey. Vous aurez le choix entre 8 et 13 km de parcours, départ de la salle des fêtes à 9h30 square Francis Poulenc. Les bénéfices de cette marche seront reversés à l'association Flamme en Rose. C'est la fin de ce mag, on se quitte avec un homme qu'on aime beaucoup sur Radioactive, Pierre Perret et sa chanson de circonstance, La réforme de l'orthographe. Tous les 100 ans, les néographes font une réforme de l'orthographe en rognant les tentacules des gardiens de nos virgules. On voit alors nos gens de lettres, chacun proteste à sa fenêtre. Mes consonnes au nom du ciel, touche pas à mes voyelles. La réforme de l'orthographe m'eut pourtant évité des baffes quand je tombais dans le panneau de charrette et chariot. Le roi pourtant fut bien le roué, le François devint le français, et Molière mit aussi un Y à merci. Le véritable sacrilège serait de suivre ce cortège de vieilles lunes alambiquées et prises de compliquées. La réforme de l'orthographe m'eût sans doute évité des baffes quand du tréfonds de ma détresse j'oubliais toujours l'S. Croque-monsieur et tire-bouchon n'ont plus besoin d'un trait d'union. Croque-madame et tape-cul n'en auront plus non plus. Contre-maîtresse et contre-foutre, eux-mêmes ne pourront passer outre. Entre-cuisse et entre-chat, n'ont pas non plus le choix. La réforme de l'orthographe m'eût sans doute évité des baffes. C'est les cuisseaux et les levrots qui me rendaient marteau. Faudra aussi laisser quimper dans nos chères onomatopées ce trait unissant frou-frou, yo-yo, ping-pong, trou-trou. On pourra souder nos blue jeans, nos ossobucos, nos pipelines. Vadémécum, ex-voto, feront partie du lot. La réforme de l'orthographe m'eût sans doute évité les baffes. Mettre un T au bout de la part que n'avais-je fait là? Et quand malgré nos vieux réflexes, on posera plus nos circonflexes sur maîtresse et enchaînée, on fera un drôle de nez. Mais les générations prochaines, qui mettront plus d'accent à chaîne, jugeront que leurs aînés les ont longtemps traînés. La réforme de l'orthographe contrarie les paléographes depuis qu'un L vient d'être ôté. Imbécilité.